C'était In Vitro, un artiste du Mexique avec sa pièce Donde Vas Quete Queran Mas. C'est sur l'étiquette japonaise Bombfoot, une excellente étiquette. Je vous en ai déjà fait passer quelques-unes à l'émission Web Music, puis je vais continuer de vous en passer. C'est une étiquette qui est très, très, très prolifique. On poursuit l'émission avec Mind Control, un artiste hongrois. Je vous fais passer sa pièce Dub in Libria. C'est sur l'étiquette Audio Exit Records. Donc, Mind Control, Dub in Libria. pièce assez planante de Mind Control, un artiste qui nous vient de la Hongrie. C'était la pièce Dub in Libria. C'était sur l'étiquette Audio Exit Records, une autre étiquette qui a beaucoup de matériel, qui a beaucoup de profondeur, que je vous invite à visiter. Pour ça, ben, rendez-vous sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour voyager au travers des pièces que je vous présente lors des émissions. On poursuit avec Electric Shaker, la pièce Ante CPAO. C'est sur l'étiquette Angular Mass Net Label, une étiquette du Portugal. Donc, il y a beaucoup d'étiquettes qui nous viennent du Portugal, de l'Espagne, un peu partout en Europe. Donc, c'est des étiquettes qui ont vraiment embrassé le concept des Creative Commons. Il y en a vraiment beaucoup. C'est un peu plate qu'il n'y en a pas plus que ça au Québec, et même au Canada. Mais c'est un mouvement qui s'en vient. La preuve, ben, vous avez Web Music ce soir. Donc, on écoute Electric Shaker, la pièce Ante CPAO. C'était Electric Shaker, donc une pièce qui rappelle un peu le nom de l'artiste, la pièce Anticipao. C'est sur l'étiquette Angular Mass Net Label, une étiquette qui nous vient du Portugal. On poursuit avec une étiquette, cette fois-ci, qui vient de l'Espagne, qui s'appelle Escala. C'est une étiquette qui donne dans l'audio et dans la vidéo aussi. C'est assez complet, ça fait quelques années qu'il existe. Ils ont beaucoup de matériel audio, ils ont des films, ils ont un peu de tout dans le visuel aussi. C'est comme un magazine musical en plus. C'est une étiquette qui est vraiment intéressante. Je vous fais entendre Xavier Rubio, la pièce Fan Trail. C'est donc, comme je vous disais, sur l'étiquette Escala. Thank you. C'était Xavier Rubio, la pièce Fair Trail, c'est sur l'étiquette espagnole Escala. On va poursuivre l'émission avec un artiste qui nous vient de Montréal. J'en ai déjà fait passer un peu à l'émission, je vous en fais repasser. J'adore qu'est-ce qu'il fait. Il s'agit du, pas du groupe, mais il évolue sous le nom Inca Cola. Il s'agit de Christo qui vient de Montréal, comme je vous disais. Je vous fais passer deux pièces qui sont sur l'album El Golpe. La première pièce s'appelle Machete, puis c'est suivi par Confusion. Donc, Inca Cola à CKRL. Machete's gonna kick your fucking ass. Machete. Machete. Machete. Fama é o que quis, agora aguenta, segura. Sei que tu tá por um triz. Vai achando que tá fácil, ainda tem muito por vir. Não tamo aqui de palhaço, viemos pra construir. Tem muito pra evoluir, cuida pra não se iludir. Bota a cara pra bater, liga a rima, guri. We'll be right back. presente no passado da humanidade. Futuro incerto, repleto de novidade. Os manos não usam, vimos abuso, todos confusos. Cabeça em parafuso, cuidado com intruso. SOS, vítima da guerra. No morro e na favela. A vida aqui na selva transforma o coração em pedra. O homem julga, joga, brinca de juiz. Condena, foda é foda, corta a raiz. Em vez de regar, em vez de cultivar, prefere ver a vida se acabar. Ter que dançar na batida, mas não se aflija. O jogo começou, só há um resultado: ganhador e perdedor. Diga por quê, diga por quê, diga por quê da escravidão. Quero saber, quero saber, quero saber, vem me dar a mão. Diga-me, diga-me, diga-me o quanto se valeu a pena. Siga-me, siga-me, siga-me os bons é o esquema. Situé au cœur du magnifique quartier de Limoilou, est un classique pour les étudiants. Voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les jeudis et samedis soirs, de la vodka à une spécialité offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, Internet sans fil gratuit, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe, soit pizza ou hot dog européen, du baby-foot gratos les mardis, des expositions. Le Bal du Lézard, 3e avenue à Limoilou, 529-3829 ou lebaldulézard.com. Au Bal du Lézard, vous n'aurez plus le sang froid. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Restez à l'écoute. Il y a François Gécouillard qui s'en vient pour son émission Hors Limite. Donc, il va nous faire un spécial. Je vous laisse deviner. Vous allez voir quand il va commencer. Il y a toujours quelque chose de surprenant. Avant la pause, on avait Inca Kola, un groupe plutôt un gars de Montréal qui a fait un album qui s'appelle El Golpe. Tout juste avant la pause, c'était la pièce Confusion, puis c'était précédé par Machete. On poursuit avec Tom Caruana. Je vous fais passer la pièce Music Therapy. Ça va être suivi par Beak, la pièce I Saw Two of Me. Puis je vous reviens par la suite. A solitary seabird swoops and glides. Bright in the sunshine. I hear the seabirds crying. Time doesn't seem to matter to us. But it is 10:30. Self-raising, of course, I might make mistakes. So much unreleased that you will never hear. Everything I'm involved with. keep churning it out, but I would rather be free from the slog and lose off of my dreams. There's so much to do and life's so short. So you do just what you can, always far from norm. Don't waste time, you know it's foolish. Wishing, dreaming and hoping. Music therapy is how I'm coping. Don't waste time, you know it's foolish. Wishing, dreaming and hoping. Music therapy is how I'm coping. Highly exciting display of original work by British artists. And there's another change of mood in the 736 Club. So the voyage goes on. We'll be right back. C'était Beak avec la pièce I Saw You, excusez-moi, I Saw Two of Me. C'était précédé par Tom Caruana, la pièce Music Therapy. On poursuit l'émission Web Music avec un groupe au nom assez étrange, Black Moth Super Rainbow. La pièce Drippy Eye, une pièce un petit peu trop joyeuse, vraiment louche. Je vous la fais passer quand même. Puis ensuite de ça, on entend une pièce de Holy Fuck, la pièce They're Going to Take My Thumbs. Donc pour tout de suite, Black Moth Super Rainbow. Thank you. C'était Holy Fuck, la pièce They're Going to Take My Thumbs. C'était précédé par Black Moth Super Rainbow, la pièce Drippy Eye. C'est déjà tout pour Web Music. Un bon 3 heures d'affilée. J'ai les oreilles en chou-fleur, donc je vais vous quitter sur une dernière pièce. Avant ça, je vous rappelle que la plupart des pièces que vous avez entendues à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger. Pour ça, ben, vous vous rendez sur le blog qui est au www.webmusic.org. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et suggestions. Je suis pas mal ouvert à tout, comme vous avez pu le remarquer avec les différentes pièces qui jouent à l'émission. Donc, c'est ça. Ça va être tout pour cette semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h, de 20h à 21h. On va se laisser sur une pièce de Sea Kid, la pièce Empty Car Park. Excusez-moi, Empty Car Park. Donc, c'est ça, c'est tout pour ce soir. Je vous laisse entre les bonnes mains de François G. Couillard pour son émission Hors Limite. Vous sont présentés par votre directeur musical, Daniel Marco. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marco. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis...